parler de hockey régional, évidemment, on a appris en fin d'après-midi hier le décès de l'ex-président de la Ligue JMS, qu'on a connu l'an dernier à danradiosport.com. Il faisait plusieurs chroniques avec moi, c'est Pierre Gay. Pierre Gay qui est décédé hier. On en parle avec l'actuel président de la Ligue JMS, Danny Larouche. Salut, Danny. Salut, Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Ben, mes plus sincères condoléances à toute l'équipe de la Ligue JMS et à toi personnellement. Je sais qu'au-delà du fait que tu étais président, je pense que Pierre, Danny, était un de tes bons amis aussi. Oui, c'est un. Pierre, c'est un, moi, je l'ai connu dans la Ligue JMS il y a une dizaine d'années, 10-12 ans quasiment, puis on a développé une belle complicité, puis c'est un chum, là, tu sais. Puis il était président l'année passée, comme tu disais, ancien président. Maintenant, cette année, il était responsable de catégorie midget, trésorier. Toujours impliqué, là. Pierre, c'est un gars de grand cœur, puis il regardait pas son temps qu'il pouvait mettre là-dedans, puis ça lui faisait plaisir toujours, peu importe l'heure, on se parlait à n'importe quelle heure, nous autres. C'est un gars qui aimait beaucoup le hockey régional, hein. C'est un gars, écoute, l'an dernier, là, on se parlait, puis il y allait à plusieurs matchs aussi, là. Oui, beaucoup le hockey régional, mais c'est un gars de sport régional. Il est impliqué aussi du côté de la balle, baseball, dans d'autres choses. Ballon-ballet, lui, c'était vraiment... c'est un bon bénévole, là, vraiment. Là. Peu importe le sport, il donnait du temps, puis ça ne dérangeait pas. Il n'y a aucun problème avec ça. OK. Dis-moi, peut-être aussi... Succéder à Marcel Maltais, c'était pas facile non plus, parce que Marcel, là, il en avait mené large, là. Il l'avait fait il y a 2 ans, puis il m'avait dit, moi, je suis là pour 2-3 ans maximum. Ouais, ben, avec M. Maltais, c'est pas qu'il en mène large, M. Maltais. C'est un gars, il travaillait avec le CA aussi, puis les idées de tout le monde, aucun problème, là. Quand l'idée était prise, M. Maltais défendait l'idée, là, tu sais, il était vraiment... mais accepter que c'est un gars d'équipe aussi, là, M. Maltais, là. Puis Pierre avait pris sa place, c'est sûr, vraiment, peut-être, le monde voulait du changement, c'était pas contre M. Maltais personnellement, là, c'était vraiment du changement qu'il voulait, là. Parce qu'il a toujours fait un beau travail, M. Maltais. Puis Pierre, il était à la discipline, c'est un gars qui était aimé de toutes les équipes, là, Pierre, là, quand nous autres, c'était un nombre de chocs hier, là, vraiment, là, Pierre, est-ce que tu t'attendais, parce que ce qu'on disait aussi, on s'est parlé il y a quelques semaines, parce que je voulais avoir une entrevue avec toi sur l'histoire de la COVID, puis finalement, ben, tu me dis, je sais pas où qu'on s'en va, puis c'est là que tu me dis que Pierre était gravement malade. Est-ce que gravement malade, puis il a connaître le résultat, est-ce que c'était une surprise? Oui, ben c'est que lui, son opération, c'est supposé d'être minime, une semaine à l'hôpital, là. Mais une opération au cœur, c'est jamais, ça peut tourner parce que c'était une valve qui était supposée de changer ou se faire réparer, quelque chose de même. Puis en fin de compte, quand ils l'ont ouvert, là, c'était deux valves qui avaient fini, il a fallu qu'ils greffent une aorte aussi, donc c'était beaucoup plus... plus grave que c'était. Fait que là, à partir de là, puis il a attrapé une pneumonie, il est revenu pas si pire, il parlait avec sa conjointe, tout. Il allait sortir des soins intensifs, paf, il a rattrapé une autre pneumonie. Puis il y avait de l'eau sur ses poumons, puis ça a pas bien été, là. Fait que c'était, en tout cas, du côté de sa famille, là, c'était très dur, là, le 3 mois, là. Parce que je sais que Guillaume, qui est actuellement l'instructeur des éclats de mort par les sur Facebook, il a rendu hommage aussi hier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est triste. Il était jeune. Quel âge qu'il avait? Il était dans la soixantaine? Ouais, il y avait, Pierre, 62, 63. Non. C'était, regarde, Pierre, c'est... Puis moi, je l'ai vu la journée d'avant, là, qui rentrait à l'hôpital. On s'est dit salut, puis on s'en revoit d'une semaine, là. OK, mais il m'en avait parlé. C'est ça. Puis il y avait son garçon aussi, son autre garçon, Yannick, qui est impliqué dans le hockey également du côté de Montréal. Puis on a Roger aussi qui est dans la ligue du côté de Robertval, qui est son frère. OK. Fait que, tu sais, c'est une famille là, où, qui sont impliqués à peu près tout. Même il y a un autre frère qui est champion de quai provincial où il a été champion de quai. C'est tous des gars de sport, là, la famille. Là. Je pense que ça, son épouse, c'est quelqu'un qui. Moi, il me l'avait dit en dehors des ondes. Ma femme, elle regarde le hockey comme jamais, puis elle regarde pas mal de ses sports aussi. C'est quelqu'un qui aimait le sport. Là. Oui, ben Céline, c'est une passionnée. Hein. C'est vraiment, peu importe le sport, elle écoute beaucoup les lignes ouvertes à radio, elle va participer. Nous, c'est elle qui a pris la relève de Pierre du côté de la trésorerie le temps qu'il était à l'hôpital. Donc, on l'avait impliquée. Tu sais, elle pouvait garder un peu un lien avec la ligue. Puis, ça l'occupait juste bien, là. Puis là, en tout cas, on lui souhaite encore toutes nos sympathies, nous autres, là, tu sais. Puis, si jamais ils ont besoin, on va toujours être là, la Ligue, là, pour aider la famille. Puisque je t'ai donné une question, il se passe quoi avec la Ligue GMS? J'imagine que tu es dans le néant comme la plupart du monde. Oui, ben nous, en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec la Ligue GMS? Nous, on fait notre AGA le 23 mai. OK, la date est décidée, mais on n'a pas d'endroit d'heure de décider. Ça va se décider peut-être une semaine avant, là, ou 3-4 jours avant, parce que c'est de jour en jour on s'ajuste avec la situation d'aujourd'hui. Parce que nous autres, autrement dit, on va faire notre AGA pour finaliser l'année comme il faut, tout. Puis pour ce qui s'en vient l'année prochaine, moi, j'ai parlé avec la Fédération hier. La Fédération régionale, toutes les ligues avec les hockey mineurs, on devrait avoir un appel conférence la semaine prochaine. Ça devrait être décidé le 15 mai. Faut que tout soit déposé, les fédérations régionales, faut qu'ils déposent à Hockey Québec ce qu'ils veulent un peu, la manière de faire le hockey maintenant. Ouais. Il faut qu'ils déposent ça pour le 15 mai, qu'ils vont être discutés avec la ministre. Fait que tous les sports. Puis là, c'est sûr que la période qu'on arrive ici, le hockey, on va être un des derniers sports à regarder. Notre saison vient de finir, là. Donc, le soccer, le baseball, tout, là, faut qu'ils regardent ça en premier lieu. Fait que tout va se décider. C'est ce qui me dit que ça. Moi, j'aurais voulu un peu qu'on y aille régionalement. Parce que un peu comme le déconfinement, là, ça se passe régionalement. Fait que je voulais un peu que le hockey, si on aurait pu faire ça un an, là, mais il paraît que ça sera pas faisable, là, ça va être tout le monde pareil. Okay. Le hockey civil, scolaire, ça va être toute la même chose. Donc on va s'ajuster. Vous savez pas du tout. Vous êtes dans le néant carrément, là. Non, on ne sait pas du tout. Je sais qu'il y a des comités de hockey mineur qui s'est fait. Ouais. Ça va être nous autres. Moi, on va faire un petit sondage interne avec nos équipes. Comment est-ce qu'ils voient ça? On va tout garrocher nos idées à la Fédération régionale. La Fédération régionale va négocier ça avec Hockey Québec. Puis ils vont déposer. Ils vont essayer de faire un tout avec ça. Là, puis, mais il y a beaucoup de discussions qui se fait point de vue hockey là, en ce moment. Qu'est-ce qui va arriver? Puis on ne sait vraiment pas. Encore une fois, mes sympathies au nom de tous les auditeurs de tanradiosport.com. C'est une triste nouvelle. Pierre, écoute, c'est un collaborateur également l'an dernier. Il collaborait avec moi et toujours fidèle. Puis au plaisir de se parler. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Danny. L'actuel président de la Ligue GMS, Danny Larouche.